Bonjour. Moi, je me suis pris des petites notes, mais là, j'en ai pas besoin pour tout de suite. Par rapport, là, il y a Fergus qui m'a fait une réponse. J'avais compris que c'était de l'humour, mais l'humour, bon, c'est un moyen de transport de certaines choses. Donc, je voyais aussi ce qu'il y avait un petit peu. Puis tu m'avais fait un commentaire du ah, attention au jugement par l'apparence. Mais dans un monde comme le nôtre, des fois, c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a pour, je parle comme support, là, pour des fois sentir que, bon. Donc, ne m'y étant pas fié par le passé, je l'ai regretté souvent. Puis aujourd'hui, ben, il y a des signes des fois au niveau de l'apparence que je passe pas par-dessus, puis j'en tiens tout le temps compte. Mais j'avais compris que c'était de l'humour. Ben, aussi d'ailleurs, ce que j'ai répondu, ben, c'était un petit peu sous le signe de l'humour. Je n'étais pas en colère, puis c'était. J'ai jamais pensé que Fergus était choqué au sens de la colère contre moi. C'était plus, bon, un petit aspect humoristique, moi aussi. Il y a la vidéo de l'oiseau moqueur qui parle qu'il s'ennuie. Bon, on le sent, hein? On sent une certaine lourdeur. Mais bon, il y a quelqu'un dans les commentaires qui parlait les certains aspects contemplatifs. C'est vrai que quelqu'un de contemplatif peut pas s'ennuyer dans le sens que oui, on va s'ennuyer, mais le fait d'être contemplatif peut pallier à ça. Pourquoi est-ce que les gens s'ennuient? C'est parce qu'ils pensent. Puis l'aspect contemplatif permet jusqu'à un certain point d'arrêter l'ennui. Mais c'est difficile à développer, puis c'est pas tout le monde qui a une nature contemplative. Je me rappelle, je me souviens à une certaine époque, à un moment donné. Des fois, c'était une période difficile, puis j'étais seul chez moi dans le temps, j'étais isolé dans une maison. Mais ça reste pareil une époque de ma vie où j'ai été le plus en paix. Puis j'avais quand même, quand j'étais seul, isolé dans une maison de campagne, puis des fois, juste regarder mon feu de foyer me suffisait, je pouvais passer des heures comme ça. Mais bon, je perdais la notion du temps. Les aspects contemplatifs permettent d'échapper à la lourdeur du temps. Mais il reste que, bon, s'arrêter de penser, c'est difficile. On est conditionné à penser tout le temps, à réfléchir tout. Mais bon, mais t'as une bonne bibliothèque là où t'es. Je veux dire, l'oiseau moqueur, il y a une bonne bibliothèque. Puis c'est sûr que là-dedans, il y a des ouvrages écrits ou qui sont écrits par des gens qui ont côtoyé des contemplatifs. Ça peut être intéressant, là, quand même. Moi, j'aimais bien lire Thérèse d'Avila dans le temps, puis aussi ce qu'on a appelé la légende de Sainte-Catherine de Sienne. Mais l'affaire, c'est que, bon, c'est pas légende à prendre au sens où on l'entend maintenant. Si, dans le bas d'une carte, des fois, vous avez la légende, ça veut dire ce qu'il faut lire pour comprendre la carte. C'est ça, la légende. Donc, la légende de Sainte-Catherine de Sienne. C'est ce qu'il faut lire sur Sainte-Catherine de Sienne, c'est en ce sens-là, dans le sens que c'est le livre par rapport à elle. Mais ce n'est pas des écrits, je veux dire, j'avais de la difficulté à me replonger là-dedans. Maintenant, donc, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire, Sapin Bleu, qui dit qu'il ne me connaissait pas avant que Pierre Blanchette parle de moi. J'ai jamais eu connaissance que Pierre Blanchette parlait de moi, possiblement parce que je suis pas sur les réseaux sociaux. J'avais juste vu quand il avait repris une image là, que j'ai fait, puis que par association, il associait ça à Bernard et à la magie du chaos. Parce que j'imagine, bon, c'est ironique, parce que ça veut dire que, ben, Monsieur Blanchette, si moi j'égare les armes, ben lui, il collabore. Je veux dire, c'est un petit peu contradictoire. Dans le sens que moi, j'essaie de pas trop être exposé. Je veux pas non plus des milliers d'abonnés. Puis pourtant, je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent à cause de détracteurs, ce qui est ironique. Le mieux, ce serait d'ignorer, là. Mais d'un autre côté, je regardais ça par après. Puis je me disais, prenez le monsieur maçon qui fait des vidéos avec Amélie Paul pour répondre à Pierre Blanchette. Dans le fond, ils aiment ça, eux autres. Je veux dire, cette antagonisation-là, ça les sert. Puis le fait que M. Blanchette y embarque, je pense que ça les sert aussi. Donc, puis c'est quoi donc hier? Ben, j'ai trouvé ça spécial, le Sapin Bleu, qui me dit que c'est à cause de Pierre Blanchette qui vient m'écouter. Puis il y en a d'autres aussi. Donc, bon, si moi j'égare les armes, ça veut dire que Pierre Blanchette, il collabore à égarer des armes, là. Il y a quelque chose d'ironique là-dedans, puis même de, comment je pourrais dire ça? C'est des logiques qui vont. Le problème, c'est que bon, il y a la psychologie inversée, hein, puis il faudrait peut-être étudier ça un petit peu pour pas servir ce qu'on veut pas servir, mais sans s'en rendre compte. Donc, j'ai vu, il a fait. Ben, moi, je l'ai tout aimé, Pierre Blanchette, je le trouve toujours intéressant. Il a fait une vidéo où il parle de l'essayiste, où il nous lit. Il dit qu'il est un mauvais lecteur, mais en fait, je suis sûr que c'est un bon lecteur, il a l'air de comprendre ce qu'il lit. Peut-être mauvais narrateur, là, qui est peut-être le terme. Mais Étienne Couvert, qui est un essayiste, qui a passé la plupart de ses ouvrages, entre autres, dénonçait la gnose. Puis jusqu'à un certain point, c'est son thème central à ce monsieur-là. Mais je sais que pour Monsieur Blanchette, par exemple, moi, je fais partie de tout ça. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il ne m'a jamais vraiment écouté. C'est difficile d'avoir le discernement à faire le tri. Ça fait plusieurs années, puis genre, c'est des milliers d'heures. Des milliers d'heures. Mais il y a des choses que j'ai pris en note par rapport à sa lecture, puis que je trouvais ça spécial. Pourquoi? Parce que, bon, ben, comme M. Couvert, qui nous lit, il dit que le spiritualisme est synonyme de spiritisme. Oui. Mais il y aurait des nuances à apporter, c'est-à-dire les spirites sont presque toujours des spiritualistes, mais les spiritualistes sont pas toujours spirites. Donc, il y a des. Bon, il y aurait des petites nuances, là, même si au fond, oui, ça peut être synonyme. L'affaire, il parle de la gnose, la prétention à la connaissance du divin au-delà des simples croyants. La question, moi, que je poserais par rapport à ça, c'est n'est-ce pas la position des scolastiques? C'était la position des théologiens scolastiques, au fond. Aussi, prenez la querelle des universaux chez les scolastiques du 13e siècle, qui est une. Je veux dire, c'est un petit peu. Bon, c'est spécial. Prenez, par exemple, bon, aujourd'hui, ben, à partir de certaines époques, surtout quand le spiritisme est devenu à la mode, l'Église catholique a remis de l'avant l'idée de purgatoire. Mais il faut comprendre qu'au début, le purgatoire. L'idée de purgatoire était une hérésie pour l'Église catholique. Les gens qui croyaient au purgatoire étaient persécutés comme hérétiques. Après, il y a un concile, ils admettent l'existence du purgatoire et après le concile, là, les gens qui ne croient pas au purgatoire sont persécutés comme hérétiques. C'est quand même spécial. C'est là où moi je vous dis, ben, Dieu qui est absolu, qui est resté inchangé, comment ça se fait que les dogmes changent? Ben, parce que l'Église catholique est une institution humaine. On le voit par des tergiversations comme ça. Bon, dans le fond, c'est du dogme, puis c'est de la doctrine, puis c'est de la liturgie. Puis c'est de la théologie, puis c'est de la philosophie. Toutes deux affaires qui, bon. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Simon le Mage est le père de la gnose. Il y aura encore certaines petites nuances à apporter. Surtout que, bon, Majus Shimon, le. Oui, jusqu'à un certain point, mais c'est de là aussi que, bon, ce qu'on pourrait appeler, il y a certains aspects par rapport à l'Église catholique qu'on peut rapprocher quand même de ça, parce que sa vidéo est titrée de la gnose, cancer au sein de l'Église. Je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord. On le voit d'ailleurs avec les simonies puis des choses comme ça. Hein? N'est-ce pas? Donc, moi, je l'ai dénoncé, la gnose. Je veux dire, c'est là que je constate que, bon, moi, me faire mettre dans le même panier que des gens comme ça me choque. J'ai dénoncé la doctrine faisant de Dieu un démiurge aussi. Je veux dire, j'ai jamais endossé, ou ceux qui antagonisent le corps et la matière, je les ai dénoncés. Je veux dire, je me suis jamais inscrit dans une lignée, pas une lignée, mais dans un courant comme de pensée comme ça, d'aucune façon. Puis pour ce qui est d'antagoniser le corps, puis de dire que le corps est mauvais, on retrouve aussi ça dans l'Église. Hein? Et je veux dire, les gens qui se flagellaient, puis. Vous savez, les religieuses qui se mettaient. Aujourd'hui, il y en a, ils chialent, ils dénoncent, ils disent, oh, ben, il y a des jeunes filles dans les écoles pour des raisons d'identité non genrée qui se font donner par des professeurs, des psychoéducateurs, des bandages pour s'aplatir la poitrine. Ça n'a aucun sens. C'est les religieuses qui ont commencé à faire ça. désolé, même elles se lavaient habillées pour pas que la vue de leur propre corps les rende voluptueuses ou bon. Donc, c'est pour ça, moi, je vous dis, je peux pas me positionner contre certaines choses en étant dans des choses qui ressemblent à ce point-là. Hein? C'est étrange parce que quand mon père a été, je sais plus si c'était sa première communion ou sa confirmation, mais à l'époque, le cardinal Léger était présent. Puis, la mère de mon père, à un moment donné, ça a donné, le cardinal Léger était devant elle, puis il a présenté sa bague de cardinal. Puis ma grand-mère a fait, non, elle voulait pas embrasser sa bague. Puis le cardinal était offusqué. Puis elle dit, je veux pas bécoter quelque chose que tout le monde bécote. Puis le cardinal Léger était vraiment choqué, puis tout. Pourquoi? Parce que c'est un prince de l'Église. Or, qui se dit prince sur cette terre? C'est quoi le prince de la terre? Et bon. Hein? Moi, j'ai bien de la misère avec ça. Puis, j'y ai réfléchi dans le sens que j'ai pris le temps de prendre une pause, faire une remise en question. Parce que je sais que M. Blanchette, il lui a pas affaire de remise en question. Lui, il a la vérité. Moi, j'ai pas la prétention d'avoir la vérité. Parce que surtout quand c'est la vérité, bon, celle de la Sainte Église catholique, qui, moi, n'a rien de sainte. Rien de sainte, c'est une institution humaine. C'est l'évidence même. Depuis quand une institution humaine est sainte? Donc, l'affaire aussi dit que les romantistes datent du 17e siècle. Ça, je pense que c'est une erreur de lecture. Je pense qu'en lisant, c'est fourvoyé. Mais le romantisme, c'est à la fin du 18e que ça commence. Donc, bon, si on peut dire certaines choses qui reviennent sous cette forme-là. Parce que les romantiques, c'est un peu comme des hippies. Dans le temps, des beatniks, là, fin 18e, puis ça va atteindre son apogée au 19e. Avec, bon, des œuvres que j'ai pas envie de lire, puis de la musique que j'aime pas écouter. J'ai jamais été un fan de Franz Liszt ou de Chopin, c'est trop ornement, c'est trop lourd, c'est trop ornementé, c'est trop. Mais bon, moi aussi, je veux dire, c'est un courant que, aussi, ça, au cours des années, quand j'en ai parlé, je veux dire, au fond, on est parfaitement d'accord. C'est juste que moi, je veux rien savoir de. Le dogme catholique, la liturgie catholique. Pourquoi? Parce qu'à mes yeux, ça fait partie d'une doctrine de serpent. Puis bon, on dit que, OK, il faut connaître la géométrie. Là, ça, c'est une affaire par rapport aux francs-maçons. Ben oui. Ben oui, il faut connaître la géométrie. Pourquoi? Pour pas se faire avoir par ceux qui la connaissent. On n'est pas pour avoir une foi aveugle. Ça prend de l'intelligence aussi, puis bon. Mais vous regarderez les maçons, leur géométrie, c'est juste des vieilles géométries. C'est euclidien, c'est jamais allé plus loin. Puis dans le fond, c'est rendu vide. Puis c'est pas très exaltant. Hein? Puis ils n'ont pas tort en disant que ça commence avec les pythagoriciens, ça. Mais ça aussi, j'en avais parlé. Mais bon, je veux dire, au fond, on a la même position, à part que. Par rapport le dogme de la liturgie catholique, moi je considère l'Église catholique comme aussi dangereuse que les francs-maçons, quelque part presque. Je veux dire, ça l'a été. Mais il reste que, bon, moi je peux pas croire en des institutions humaines. Parce que la question, renonces-tu à Satan et ses œuvres? Ma réponse est oui. Acceptes-tu le Christ? Ma réponse est oui. Mais au niveau l'institution catholique humaine, la réponse est non. Pourquoi voir les réponses aux questions précédentes? D'accord? Donc, ne vois pas que ceux qui antagonisent la matière et ceux qui prônent l'exaltation sensuelle ne sont pas de la même branche. Ça, c'est vrai, et tout est mêlé. Tout est mêlé, puis bon, je veux dire, on reproche, par exemple, aux albigeois d'avoir antagonisé la matière, le corps, puis moi, mais l'Église faisait pareil, là. Désolé, là. Puis là, après ça, de mêler ça, bon, il y en a qui veulent l'exaltation des sens, vous suivrez, là, comme. On le voit, là, je veux dire, comme Moreau, puis. Ou ce qui est mon livre, il y a quelque chose que je voulais vous montrer. Puis je me suis. Ah, un instant, ce sera pas long. Donc, selon M. Blanchette, tout ça vient, c'est la doctrine du serpent. Puis on sait très bien c'est quoi le serpent, puis là-dessus, je suis parfaitement d'accord avec lui. L'affaire, c'est, Bernard de Montréal, est-ce que ça fait de lui un monstre parce qu'il a parlé chez Glenn? Moi, j'ai vu que Pierre Blanchette, il partage aussi des choses de Serge Monast, qui a parlé chez Glenn. Donc, il admet qu'il n'y a pas juste du monde, Mais l'affaire de la doctrine de serpent, puis tout, Bernard, c'est une des personnes qui a le plus dénoncé l'ésotérisme. C'est une des personnes qui a dénoncé le spiritisme. Il a dénoncé énormément, je veux dire, comme quoi on était naïf, puis tout. Puis à un moment donné, il disait, il y a Glenn qui rappelait, du moins, il est écrit, pour le serpent, la femme t'écrasera, tu lui blesseras le talon, puis bon. Puis Bernard avait dit, peu importe que ce soit un pied d'homme ou de femme, du moment que le serpent soit écrasé. Puis le seul symbole que Bernard nous a laissé, c'est ça ici. Vous voyez? C'est un pied qui écrase le serpent. C'est un pied qui écrase le serpent. Puis là où ma position bifurque avec celle de M. Blanchette, puis qu'il y a un conflit, c'est qu'à mes yeux, l'Église catholique, en tant qu'institution humaine, fait partie du serpent, fait partie des doctrines de serpent, fait partie des doctrines de démon jusqu'à un certain point. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. C'est une inconstance. Prenez juste, pour comme ce que je vous disais comme exemple, par rapport, le purgatoire. C'est pas à des conciles, c'est pas à des institutions humaines de fixer les croyants à savoir c'est quoi la nature de Dieu. Ça n'a rien à voir. Dieu est absolu. Dieu est inconnaissable par un entendement humain. Donc, c'est juste la base de ne pas faire de mal à son prochain, d'être honnête, des choses comme ça. Puis aussi, oui, il y a certaines choses. Mais moi, ce qui est la base, je trouve, c'est les évangiles. Pas les tergiversations, puis les débats des théologiens, puis des scolastiques, puis voyons là. Ça, il est là l'égarement, moi, à mes yeux. Puis en plus, puis je dis pas qu'il n'y a pas eu des gens très bien dans l'Église, au contraire. Au contraire. Mais faire la distinction entre l'institution humaine, puis Dieu, là, dans le sens, je pense que c'est assez clair, là. C'est pas compliqué dans le fond. C'est très très facile à comprendre. Parce que là, c'est bien dommage, mais le spirituel a servi d'excuse pour imposer des autorités temporelles. Puis ça a pas juste fait du bien. Puis oui, je considère, oui, l'Église, il y a un cancer dans l'Église qui est entre autres la gnose. Je suis parfaitement d'accord, puis c'est entre autres pour ça que j'ai un rejet total, puis que je considère plus que l'Église catholique, je ne peux pas y accorder aucune autorité. Aucune autorité. Impossible. Impossible. Puis même, moi, je considère qu'on a été suffisamment trahi par ces institutions humaines-là. Faut pas remettre sa foi dans des humains, jamais. Donc, c'est ça par une foi aveugle, là. C'est comme du monde qui suit le dogme à la lettre, puis ça revient un petit peu à des pharisiens, puis ce qu'ils pensent pour vrai, on ne le sait pas. Fait que, eux autres, c'est les apparences, la surface, c'est des choses comme ça. Mais il reste que. Prenez quand ma grand-mère a refusé d'embrasser la bague du cardinal Léger. Ça, c'est de l'intelligence à mes yeux. Moi, ça m'écœure l'Église catholique. Il y a combien de personnes dans le temps qui se sont transmis la tuberculose parce qu'un en arrière de l'autre, ils embrassaient des reliques, puis c'est dégueulasse. C'est de la coprophagie. L'Église catholique est une dépeceuse de cadavres. Quand c'était le temps là, de faire une opération pour sauver quelqu'un, on n'avait pas le droit. Hein, c'est pas, le corps est sacré. Puis, on n'avait pas le droit de faire d'autopsie pour comprendre ce qui se passe. Hein, le corps est sacré. Mais quand c'est des saints, puis là, le trafic, puis les simonies, puis envoie, là, on réduit les corps en pièces, puis bon. C'est assez des. Moi, ça m'écœure. Je trouve ça dégueulasse. Puis, petit fait cocasse par rapport à. Moi, j'avais pris Berthold comme nom parce que j'aimais la consonance. J'aimais la consonance. J'étais loin de me douter que c'est un nom de l'origine, puisque ça voulait dire. Puis il y a l'histoire de l'archevêque de Toul, Berthold de Toul. Puis lui, à un moment donné, il y a une fête femme, une châtelaine, ou je sais pas trop, une dame qui faisait partie, bon, qui était d'une famille noble, et puis à un moment donné, elle voulait se faire payer, possiblement, là, que c'était par rapport à dans la région où ce qu'ils étaient seigneurs, que bon, il y avait des impayés, puis elle a voulu recouvrer, puis elle avait fait ouvrir le tombeau d'un saint pour voler les reliques, comme gage du fait que la communauté lui devait, ou je sais plus trop. Puis Berthold de Toul, il a été extrêmement sévère avec eux. Puis il a même expulsé de la région. Puis je trouve ça ironique un petit peu. Il y a un évêque comme ça qui était un archevêque, je pense, un archevêque qui était reconnu pour une certaine rigidité, une certaine dureté, une certaine sévérité. Puis finalement, c'est un prénom que j'ai fini par prendre comme pseudo. C'est quand même ironique. Déjà, mais j'ai déjà un prénom un peu spécial, là. Ceux qui connaissent, certains dialectes là, du nord de la France, là, j'ai un prénom en lien avec ce qu'on appelait anciennement, c'était des pierres dans le fond des eaux sur lesquelles venaient s'abîmer des vaisseaux qui coulaient. Puis c'est étrange parce que mon véritable prénom est d'origine, me semble c'est d'origine bretonne, mais Berthold aussi. Puis ça, c'est pas mal plus tard, je l'avais su. J'avais trouvé ça comique. C'est la partie anecdote. C'est la partie anecdote. Puis bon. Mais personnellement, j'ai rien contre les catholiques. Vraiment rien. J'ai rien contre l'Église catholique. Sauf si il y a une imposition d'une prétention de posséder la vérité, puis de l'imposer au niveau d'une liturgie, puis d'un dogme. Là, c'est non. C'est non. Parce que il n'y en est pas question. Impossible. Impossible, je peux pas. Je peux pas. Je l'ai regardé. Je me suis demandé sérieusement, après, j'ai eu une période d'une petite pause, je me suis demandé sérieusement, est-ce que j'égare les âmes? Est-ce que je suis un adorateur de doctrine de serpents sans m'en rendre compte? Ça a été extrêmement difficile comme introspection. Ça a été énergivore. Puis maintenant, avec le recul, je me rends compte que, au fond, s'il y a un jeu de réponse puis d'attaque comme ça entre Amélie Paul, son maçonneux, puis Pierre Blanchette, c'est parce que ça les sert les deux quelque part, puis tout, puis hein? Comment le royaume du prince de la terre pourrait réellement se maintenir puis s'amplifier de plus en plus s'il était divisé en lui-même, dans le fond? Peut-être qu'il y en a qui le servent sans s'en rendre compte. Puis j'ai jamais subi, à part par association, j'ai jamais subi d'attaque de ces initiés-là de la connaissance, dans le sens que c'est surprenant. Je pense qu'ils ont compris que Pierre Blanchette, il est pas dangereux. Fait qu'on peut en parler. Puis, bon, moi, peut-être que c'est mieux de tenir ça mort. De part et d'autre, hein? Donc c'est bien correct. Moi j'aime beaucoup la discrétion. Puis plus ça va, plus je commence à me rendre compte que on peut pas continuer comme ça juste sur YouTube. Là, va falloir faire comme les premiers chrétiens puis se cacher un peu, surtout dans les temps qui viennent. Dans le sens que si on veut parler librement, les gens qui ont une certaine sympathie puis certaines vues en commun. Va falloir faire ça plus privé, va falloir qu'il peut-être. Puis moi, j'ai horreur des structures, j'ai horreur des. Mais là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Moi, je ne veux pas faire partie de ces deux bas-là. Parce que ça n'a pas rien à voir. C'est ce qui est de semblable nature qui est appelé à s'affronter. Donc, c'est normal que les. Bon. Hein, comme M. Blanchette, moi, je le considère comme un croisé. Les croisés qui, à mes yeux, n'ont rien à voir avec les évangiles, mais absolument rien à voir. Celui qui vit par l'épée périt par l'épée. À moins que l'épée dont on parle, ça soit la parole. Là, c'est pas pareil. Là, ça, c'est. Mais il reste que, bon, les croisés, là, puis Saint-Louis et compagnie, puis. Ça suffit. Au revoir, bonne journée. Puis l'oiseau moqueur, Ça a l'air lourd, je veux dire. T'as l'air un petit peu. Bon, l'ennui. Tu sais, je le sais que, bon, je pourrais l'aborder de certaines façons, l'ennui, mais je pense pas que ça te parle. Donc, l'affaire, pourquoi qu'on s'ennuie, c'est parce qu'on pense. Je veux dire, c'est l'intellect, hein, qui fait qu'on s'ennuie. Même un enfant qui s'ennuie, c'est à cause de son intellect, c'est parce qu'il pense. C'est lié à la mécanicité de son âme. Prenez un petit enfant qui s'ennuie de sa mère. Mais il reste que je pense pas pour rappeler juste à ça. Mais bon, il est pas bon que l'homme soit seul là-dedans, s'ennuyait. Puis bon, c'est des choses. Mais il reste que je vais avoir passé les dernières années de ma vie à chercher une certaine solitude que j'ai pu. Je suis tout le temps entouré, je suis tout le temps avec des gens, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis des fois, j'y repense. Quand j'étais dans ma maison isolée, en campagne, avec ma forêt, puis aujourd'hui, je le vois comme ces moments-là où j'étais seul, comme parmi les plus beaux moments de ma vie. Puis c'est, j'ai fait quelque chose à cette époque-là. Ça, s'il y en a là, des amis de Pierre Blanchette, là, écoutez bien ça. Je me suis rendu compte que je m'étais fait avoir une partie de ma vie par la forme. Puis qu'on servait de ma piété pour me manipuler. Puis à un moment donné, moi j'en avais, hein, des crucifix, j'en avais deux. J'en avais un du 17e siècle, qui avait une certaine valeur, qui datait du temps du régime français. J'en avais un autre du 19e siècle. Savez-vous ce que j'ai fait cette année-là? Parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je m'étais fait avoir par la forme. Puis vous savez pas ce que j'ai fait? J'avais un poêle à bois avec une vitrine, là, tu sais, de la vitre vitrifiée, là, c'est ce qu'ils appellent la vitre thermos. Puis je les ai mis dans le feu, puis je les ai regardés brûler. Puis j'ai vu les corpus fondre. Puis, je vais être franc avec vous. Oui, c'était des formes qui m'encombraient. Puis, à un moment donné, ben, je vais être franc avec vous, là. Ça a été extrêmement libérateur. Puis pourquoi? Parce que je faisais tout d'un coup la différence justement entre le réel, puis des interprétations humaines, des dogmes, puis des formes séculaires. C'était pas par esprit de profanation, pas du tout. Ça a rien à voir. Pourtant, oui, j'ai fait ça, mais je l'ai pas fait en public comme il y en a qui font, puis que c'est de la provocation. C'est quelque chose qui m'était personnel par rapport à des objets qui m'appartenaient. Puis jusqu'à un certain point, beaucoup de certains alourdissements, je dirais, certains blocages, puis ça a été très libérateur de faire ça. Puis je le sais que ça peut être mal vu. Puis le pire, c'est que c'était des objets d'une grande valeur. Mettre ça sur eBay, là. Mais non. Ah oui, j'ai brûlé des objets consacrés, j'ai fait ça. Puis c'était pas pour provoquer, c'était pas par profanation, c'était pas par esprit de profanation. C'est plus par une épuration d'une fosse de ma vie que je mettais derrière moi. Puis que je le savais à ce moment-là, d'essayer de plus jamais me faire avoir par la forme. Puis il est arrivé la même chose par rapport à. J'avais possiblement, quand j'étais dans une autre ville, parce que même si j'ai jamais eu aucune pratique de rien, j'ai tout le temps étudié, puis étudié, étudié certaines choses, un peu comme M. Couvert, qui était pas un gnostique, mais qui étudiait le gnosticisme. Puis j'avais une bibliothèque très importante au niveau d'ouvrages rares, notamment là, des fois des livres qui dataient carrément de la fin du 19e siècle. Puis à un moment donné, je les ai toutes mises aux poubelles. C'était fini. Puis même ça, je le sais qu'il l'a vécu, David Lévesque, à un moment donné. Puis, mais ça, moi, ça m'est arrivé il y a un bon bout de temps que j'avais fait ça. Puis ça a été pareil vers 2015. 2015-2016. À un moment donné, j'ai jeté aux poubelles des disques compacts, des choses que finalement je me rendais compte. je voyais au-delà de ces formes-là. Puis c'est de l'expurgation. À un moment donné, il est là le purgatoire. C'est-à-dire, bon, c'est mon propre feu qui a brûlé ma pollution à ce niveau-là. Mais oui, la pollution, on s'en refait tout le temps. Mais prenez comme à un moment donné, l'oiseau manqueur disait, bon, l'affaire, les farfadets, que ça nous avait affectés. Puis ben moi, j'ai jamais été là-dedans. Je peux pas dire que ça m'a affecté tant que ça. L'affaire, c'est que par l'observation de certains mouvements, j'étais très en colère par surtout une gang qui était très proche du chamanisme, puis des affaires de même. Puis ça me mettait tellement en colère. Puis les farfadets, je m'en occupais pas. Mais quand il a commencé à avoir des témoignages que ces gens-là, il y avait le bâton de parole. Moi, mon bâton de parole, c'est ça. Il y avait un bâton de parole, il y avait un feu sacré, les feux étaient sacrés, puis les affaires de même. Là, j'ai dit, ouais, c'est vraiment partout. C'est vraiment partout. Puis moi, j'aurais jamais pensé qu'il y avait quelque chose de sectaire autour de ça. Puis par après, pas longtemps après, là, M. Blanchette qui disait, ah, toutes ces sectes-là, puis j'étais un petit peu par association, mais là-dedans, oui, ça me met en colère. Pourquoi? Parce que c'est pas vrai. J'ai tout le temps déconseillé l'astrologie, j'ai tout le temps déconseillé d'aller voir des voyages, j'ai tout le temps déconseillé le spiritisme, j'ai tout le temps conseillé d'être d'une prudence extrême avec ces choses-là. De jamais faire confiance à des. Puis ou de demander des choses à l'invisible. Puis. Bon, si prenez anciennement la prière, c'était pour rendre grâce. Quand les gens priaient, c'était pour rendre grâce, c'était pas pour demander des choses, c'était pour remercier pour ce qu'ils avaient. Puis tranquillement, hein, on prie Saint-Antoine pour trouver des objets perdus. Puis, le paganisme, c'est invité dans l'Église. Le gnosticisme, c'est invité dans l'Église. Il a tout le temps été présent. Pourquoi? Parce que c'est une institution humaine qui sert le prince de la terre. C'est pour ça aussi que j'ai tout le temps été. Ça me tente pas, moi, de fonder des structures ou des ci ou des ça. Puis, si jamais ça arrive, ça va être pour des raisons techniques. Pour des raisons techniques, pas pour des raisons d'instituer quelque chose. Donc, je me méfie énormément de tout ce qui est humain. Mais là, je parle au sens l'humanité psychologique, subjective. Donc, même par rapport à certains discours, par rapport, on pourrait dire, philosophique, le subjectivisme, l'objectivisme, M. Blanchette, il est en accord sur plein de choses avec Bernard, c'est juste qu'il s'en rend pas compte. Puis le reste qui est dans des accords avec, c'est possiblement lié à une forme d'incompréhension. Mais c'est pas grave. De toute façon, moi, Bernard de Montréal, je ne l'ai jamais idolâtré ou vu comme un maître, ou même. Bon, il y en a, ils vont l'appeler un initié, ou ils se disent un initié. Mais initié, c'est pas dans le sens ancien du terme, là. Ça n'a rien à voir. Tu sais, je veux dire. Bon, c'est un peu comme quelqu'un qui va apprendre à l'université des bases en chimie. On peut dire qu'il est initié à la chimie. Puis une fois après qu'il a intégré certaines choses, ben, il n'est plus la même personne, étant donné que, bon, au niveau de l'intellect, si on prend la personne psychologique, là. Donc ça prend un autre sens. Moi, je ne l'ai jamais vu comme. J'ai jamais vu Bernard de Montréal comme un initié au sens classique du terme. C'est plus une forme qui est employée. Puis bon, à un moment donné, là, on n'est pas pour s'arrêter tout le temps à ça. Puis moi, je n'ai pas envie de. C'est plate. C'est des sujets plates, dans le fond. Hein? C'est pas intéressant, dans le fond. Moi, je trouve ça plate. Je trouve pas ça intéressant. Donc, il va falloir parler d'autre chose à un moment donné, là, je veux dire. Puis pour ça, il faut parler librement. Fait qu'on va s'arranger, comme je l'avais déjà dit, pour se retrouver. En gens qui sympathisent réellement, parce que YouTube, c'est trop vaste. Mais là, comment on pénétrer, je ne le sais pas trop. Puis là, en ce moment, bon, je suis encore dans la fin de novembre. Je vais attendre que l'hiver soit réellement tamé, là, que j'ai un petit peu plus d'énergie. Puis je verrai. Mais là, en ce moment, il y a un paquet de choses que faut que je fasse, là. Puis bon. Vous savez, on n'a pas le choix, là. Il y a des choses que j'ai à faire comme tout le monde, puis j'ai une vie comme tout le monde, puis c'est bonne valeur, mais je peux pas faire ça à plein temps, puis rien que faire ça, ou organiser ma vie en fonction de ça. Ce serait une erreur. Donc, bonne journée.